Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asie le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Ça, c'est pour le direct à partir de 21h30 et des poussières, ou à partir de son site asile35.blogspot.fr, ou peut-être aussi du mixcloud.com/redman. Ça, c'est pour les gens qui écoutent à partir d'internet, que je salue également. Et on attaque avec le deuxième disque d'un quintet originaire des Pays-Bas qui porte le nom de Spinifex, formation à géométrie variable puisqu'elle existe depuis une dizaine d'années sous une quantité d'incarnations. Je crois même qu'il y a eu une version avec des musiciens indiens, et elle vient tout juste de fêter son 10e anniversaire avec la publication d'un coffret 5 disques qui comprend du live, leurs deux précédents opus, et donc aussi une grande formation sous le titre de Spinifex Maximus, dans laquelle on retrouve une demi-douzaine de soufflants internationaux dont le tromboniste Jeb Bishop. Là, je propose d'écouter la version en quintette qui sort également son deuxième album sous le titre Veiled. Le précédent nous avait beaucoup plu. C'était sorti bon, il y a de ça 2 ans et demi. Une musique survitaminée au croisement du jazz free et d'un certain rock noise mélangé avec des structures un peu complexes et un peu parallèles aussi. On va pouvoir s'en rendre compte avec le titre qui ouvre ce disque de Spinifex en version quintette, l'album Veiled, et ce titre Don't Feed the Fox. We'll be right back. l'instant, pour bien démarrer l'asile de cette semaine, deux groupes à la démarche bien chaloupée et au groove désarticulé. Tout d'abord, le combo hollandais Spinifex, dans lequel on retrouve le guitariste de Cactus Truck, Jasper Stadouders, en compagnie du bassiste Gonzalo Almeida, qui lui est d'origine portugaise et qui fait partie notamment de la formation Albatre, qui vient de sortir aussi un disque assez, enfin qui est vraiment une tuerie, sous le titre Nagual, sur l'étiquette Spuma. Et au sein de Spinifex, ils sont en compagnie du saxophoniste d'origine allemande mais qui doit vivre aux Pays-Bas, Tobias Klein, donc, et aussi un trompettiste qui joue dans des ensembles de Klezmer Free du côté d'Amsterdam. L'album s'intitule Veiled, il est sorti sur l'étiquette dont s'occupe Spinifex, Tritone, en CD, et il fait partie donc d'un coffret qui est là pour célébrer les 10 ans de cette formation, avec également donc un grand ensemble Maximus, dans lequel on retrouve tout ce beau monde en compagnie de 5-6 soufflants internationaux et pas des moindres. Et c'était enchaîné ce Spinifex Veiled avec le Drifting Box Celebration, qui là est un combo hexagonal. C'est le projet dont s'occupe le batteur Sylvain Marty, en compagnie de 5 acolytes, contrebasse, sax, clarinette, trombone, pardon, et violoncelle. Ils font tous partie du collectif Musique en Friche de Clermont-Ferrand, qui existe depuis une bonne quinzaine d'années. Et l'album s'intitule Nœud Col, alors qui n'est pas du tout un nœud pour cacher son col ou quelque chose comme ça, mais une formule mathématique, apparemment, ce nœud col, une formule de bifurcation à la recherche des points fixes. Et l'album donc Nœud Col est publié au mois de septembre dernier par l'excellent label Bicoc, qui est un jeune label de Reims qui est très actif, puisqu'en pas moins de 2 ans ils ont sorti 15-16 productions, toujours dans des mélanges free rock, noise, musique impro, et aussi pas mal d'autres choses, puisqu'ils devraient sortir une petite dizaine de nouveaux titres dans les prochains mois, et notamment un disque de Yann Gourdon de France. Voilà pour le Drifting Box Celebration, qui est vraiment un disque réussi de bout en bout, des structures complexes comme on les aime ici, et un sens du groove aussi assez assumé pour cet album Nœud Col. On va continuer avec une formation dont j'attendais le disque avec grande impatience. Il s'agit de musiciens libanais qu'on suit depuis 1 ou 2 ans, des musiciens qui jouent dans les formations Malayin, Scrambled Egg et à trio, qui se sont associés pour un nouveau projet sous le nom de Johnny Kafka Anti-Végétarian Orchestra. Rien que ça, donc nom barbare, qui est la combinaison donc entre le groupe Free Punk Scrambled Eggs, qui a été créé donc au Liban à la fin des années 90, et le à trio qui lui œuvre depuis 2002, quelque chose comme ça. Ils avaient publié un premier CD vers 2009 sous étiquette Al Maslak, sur une subdivision qu'ils avaient appelée justement Johnny Kafka Kids Menu. Et donc suite à ça, ils ont fait un certain nombre de concerts ensemble, notamment aux côtés d'Eliot Sharp, le guitariste, ou encore du batteur australien de The Next, Tony Buck. Et s'en est suivi donc un travail sur des compositions plus contrôlées pour contenir leur énergie free rock. Et ça donne un très très beau vinyle éponyme, 3 titres longs, la face B 20 minutes au total, et un bonus à télécharger. Et c'est sorti sur l'excellent label britannique qui avait sorti également le disque de Malayin l'an dernier, Discrépante. Et je propose d'écouter le morceau qui démarre la face A de ce disque éponyme du Johnny Kafka Anti-Végétarian Orchestra. Et voilà ce que ça donne quand une équipe de Libanais s'amuse à reprendre Pink Floyd ou peut-être Godspeed You, Black Emperor. Il s'agissait de Johnny Kafka Anti-Végétarian Orchestra. Rien que ça, dans lequel on retrouve deux membres de l'excellent Malayine, notamment Charles Bell Arbel qui est à la guitare, ou encore Raed Yassine à l'électronique et au synthé, qui fait aussi partie du A-Trio aux côtés de Mazen Kerbash qui lui est à la trompette multiphonique, et un bassiste et un batteur totalement inconnus au bataillon en revanche, et qui devait faire partie de cette formation aujourd'hui défunte Scrambled Egg, qui s'est mélangé avec le A-Trio pour donner ce combo protéiforme. L'album est vraiment très très réussi. On y retrouve un peu des relents de l'Orchestra Omar ou encore de Carcana, qui sont des projets dans lesquels ces Libanais se mélangent avec les musiciens de Construct, originaire d'Istanbul, ou encore des musiciens du Caire. Et donc trois longues pièces sur ce disque vinyle sorti par Discrépante, disque éponyme, et un quatrième en téléchargement si vous vous procurez ce 33 tours vraiment très très réussi, avec une illustration de pochette de monsieur Kerbash, qui est aussi dessinateur de bulles à ses heures perdues, enfin plus qu'à ses heures perdues, hein, c'est sa seconde profession. Il vient souvent en France d'ailleurs pour présenter ses travaux. Voilà, on va continuer avec de la musique électronique et un musicien que je découvre ou quasiment pas écouté la musique de monsieur Darren Cunningham alias Actress, qui est pourtant très connu dans le domaine des musiques de croisement entre hip-hop et electronica. Et apparemment, c'est quelqu'un qui a enterré son alias Actress. Il avait sorti un disque sous le titre RIP en 2012, et donc il revient avec un nouvel alias sous le nom de Levantis, et le disque Romantique Psychologie sur la petite subdivision de Ninja Tune Technicolor Records, subdivision électronique XP de Ninja Tune, dont c'est le premier vinyle long ou long format après une série de EP. D'ailleurs, ils avaient sorti le premier EP de Levantis, qui sort donc son premier album long lui aussi. On écoute Exploding Boxes de ce Romantique Psychologie, sous-titré numéro 1 d'ailleurs, sans doute une suite pour ce nouveau projet Levantis. On écoute ça tout de suite. Thank you. Thank you. Une séquence de jeux rythmiques et de travaux de timbre mélangés à l'électronique sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec le producteur électronique britannique Darren Cunningham et sa nouvelle incarnation sous le nom de Levantis, l'album Romantic Psychology One sorti par Technicolor Records. Alors là c'était plutôt des travaux un peu rythmiques dans le domaine un peu de l'ambiante chelou, et c'était enchaîné avec le musicien producteur lui aussi jeune producteur électronique originaire de Copenhague, Mats Emil Nielsen, qui publie son premier disque officiel, on pourrait dire, solo, après plusieurs collaborations, notamment sur son propre label Arbitrary, sur lequel il avait sorti précédemment une cassette, et une collaboration avec Johnny Massage. Donc là, il s'agit d'un extrait d'un EP apparaître courant du mois de novembre. À signaler que ce Mats Emil Nielsen s'illustre principalement dans le domaine de l'art sonore avec des installations, et ça depuis 4-5 ans, depuis qu'il est sorti d'école d'art, je suppose. Et c'est un titre qu'on retrouve sur la nouvelle compilation du magazine anglais The Wire, le Wire Taper 39, qui est sorti dans les kiosques. Il s'agit du numéro du mois de novembre. Ils paraissent toujours avec 15 jours, 3 semaines en avance par rapport au mois de parution. Et c'est figurez-vous que c'est Christian Vander qui fait la couverture du magazine The Wire, avec une interview en compagnie de Keith Molinet, dans laquelle il fait part de ses rêves un peu bizarroïdes autour de John Coltrane. Tout ça donc une interview donnée dans son manoir, avec des photos assez incroyables, avec une casquette magnifique. Voilà donc pour le magazine britannique The Wire, avec évidemment toutes les chroniques et puis des focus aussi sur différents musiciens, notamment la musicienne de Pedal Steel qui officie dans le domaine de la noise, Heather Legge, pour le magazine donc The Wire du mois de novembre. Voilà, et donc ça c'était pour Mats Emil Nielsen sur cette compilation CD qui est offerte pour tous les gens qui l'achètent, même ceux qui ne sont pas abonnés, même ceux qui ne le reçoivent pas dans leur boîte aux lettres, qui l'achètent en kiosque. Et on a terminé la séquence avec un autre musicien que je ne connaissais pas non plus, originaire d'Australie, celui-ci, Eric Griswold, et l'album Pain Avoidance Machine, sorti sur Room 40, le label de Lawrence English. Un disque enregistré dans sa maison à Brisbane pour ce musicien qui navigue entre les États-Unis et son Australie natale, qui s'est spécialisé en piano préparé et instruments jouets. Il s'agit de la deuxième publication pour Room 40 pour Mr. Eric Griswold, mais le précédent opus date de 2004. Et c'est quelqu'un qui a travaillé aussi aux côtés de Anthony Pateras. Il a collaboré notamment vers 2004 aussi avec le pianiste préparé, son compatriote Anthony Pateras. Voilà donc pour l'album Pain Avoidance Machine par Eric Griswold. Et on va continuer toujours dans les jeux rythmiques mélangés à l'électronique, enfin peut-être un peu moins électronique ce titre-ci. Il s'agit du batteur percussionniste multi-instrumentiste norvégien Erlan Dahlen, qui lui aussi fait un traitement de timbre assez incroyable. On avait pu le rencontrer notamment avec son précédent opus qui est sorti en 2012 sur étiquette Ubro sous le titre Rolling Bomber, qui nous avait vraiment beaucoup tapé dans l'oreille, où il jouait notamment de différents fûts et je crois aussi des anciens obus de la Seconde Guerre mondiale, avec un traitement de timbre et aussi pas mal d'instruments tels que du theremin, si je me souviens bien. Donc, et celui-ci, donc Blossom Bells, est dans une approche assez différente, beaucoup moins dans le traitement des timbres, beaucoup plus dans le registre un peu space rock, un peu motorique, un petit côté ambiante aussi, peut-être un peu plus systématique pour ce Blossom Bells par rapport au Rolling Bomber. En tout cas, c'est sorti là encore sur étiquette Hubro Records en CD à la fin du mois d'août, et il y a un vinyle aussi qui va sortir au mois de novembre ou décembre. On écoute le titre Hammer de Monsieur Herlan Dahlen. Thank you.

l'instant dans la Zulu Plus sur une séquence de croisement entre batterie de traverse et électronique, presque un banc d'essai on pourrait dire, pas moins de 4 disques enchaînés. Tout d'abord le nouvel album de Erland Dahlen, le norvégien, qui s'intitule Blossom Bells, publié par le label Hubro à la fin du mois d'août. Un disque un tantinet moins séduisant que son Rolling Bomber, qui était très très chatoyant dans les travaux et les mélanges de timbres. Celui-ci un peu trop systématique, notamment dans le traitement de la batterie, et c'était enchaîné avec la rencontre entre Paul Ession, qui est un batteur britannique plutôt dans le registre des musiques improvisées et un peu free européenne également, qui rencontrait monsieur Ewan Stefani, qui lui aussi doit être, si je ne m'abuse, britannique, et qui est un spécialiste du live digital processing et de la synthèse sonore sur ordinateur, pour un disque vraiment très très réussi, un peu dans le registre de ce que pouvait produire Jerry Hemingway et Thomas Lane, le duo Tom et Jerry par exemple. L'album s'intitule Concretes, il est publié par l'étiquette Bruce Finger, qui est le label de monsieur Simon H. Fell, qui apparemment est basé à Saint-Dizier-les-Rennes en France, ce que j'ignorais. Voilà pour la musique de messieurs Ession et Stéphanie, et on a enchaîné avec le tout nouvel album de la formation Timo Phtalein de monsieur Anthony Pateras, en compagnie du bassiste Clayton Thomas, de Jérôme Nottinger, de Natasha Anderson et de Will Guthrie. Donc un mélange là encore de travaux percussifs combinés à l'électronique, Clayton Thomas jouant plutôt sur des micro-timbres, et Natasha Anderson, qui est flûtiste classique par ailleurs, produisant des choses modifiées par électronique. On avait pu les rencontrer précédemment avec un premier disque sur étiquette Mego, qui était sorti il y a de ça 2-3 années, sous le titre Ni Dieu ni Maître, et ils viennent tout juste de récidiver avec un tout nouvel album sous le titre Mad Among the Mad. Et on se terminera tout à l'heure d'ailleurs avec un second extrait de ce nouvel album de Timol Phtalein. Et là on entendait juste à l'instant un tout nouveau duo, lui aussi mélange électronique batterie, sous le nom de A, avec 2 A et 2 H et 2 points d'exclamation s'il vous plaît. Une sacrée paire pour ce projet francophone, dans lequel on retrouve Véronique Villet à la batterie guimbarde et percussion, qu'on a pu rencontrer notamment au sein du projet Johnny Bicrot. On vous avait passé le double 45 tours qu'avait sorti notre camarade Denis Tagu l'an dernier, et Véronique Villet est en compagnie de Dominique Grimaud, le Dominique Grimaud de Camisole et Vidéo Aventure bien évidemment. Vous avez passé la cassette de Camisole 75 il y a de ça 15 jours, pas la semaine dernière, mais il y a de ça 15 jours, et donc il est de retour lui au Moog Source et autres Saint-Yakès Prophète 2000, pour un disque qui fait pas mal penser je sais pas, peut-être à du Ralph et Florian mélangé avec des choses un peu à la Noy et Faust. L'album est éponyme, il est sorti sur étiquette Bam Balam, qui est un label mais surtout magasin de disques basé à Bordeaux. C'est 29 Cours Pasteur pour cette excellente boutique Bam Balam, qui publie ce 33 tours de A, qui est vraiment très très bon de bout en bout, hein, vous l'entendez qui continue à défiler derrière moi, avec des illustrations de pochettes aussi assez magnifiques. On aura l'occasion sans doute de vous en reproposer un nouvel extrait dans une future émission, et on va continuer avec une séquence de jazz free et le groupe In The Sea. In The Sea, qui est une formation dans laquelle on retrouve des musiciens de Montréal assez peu connus dans le domaine de l'improvisation libre. Ils officient à la contrebasse, au violon, à la batterie, et ils sont en compagnie de la légende du violoncelle, de la free music, notamment pour ses participations à l'ICP Orchestra, la grande formation batave à partir de la fin des années 60, monsieur Tristan Hunsinger, qui est pourtant quelqu'un d'origine américaine et donc qui se retrouve avec ses musiciens nord-américains pour ce groupe In The Sea et un disque publié par l'étiquette Monophonus Press sur sa subdivision Astral Spirits, spécialisée dans les cassettes d'excellents jazz free et musique improvisée. Le titre de cet album, c'est Henry Crackbackball Disappear, et on y retrouve également les spoken words de Tristan Hunsinger qui font merveille, comme sur le titre qu'on va écouter de cette formation In The Sea, le morceau Perpendicular. In the sea. In the sea. Not to be perpendicular. In the sea. Thank you. l'instant, l'Asile de Pussy, vous avez pu entendre une séquence d'impro free qui a démarré avec les musiciens canadiens In The Sea en compagnie de Tristan Hunsinger. L'album Henry Crab Apple Disappear, sorti sur étiquette Astral Spirits. S'en était suivi un trio de musiciens suédois, Martin Kuchen, qu'on connaît pour pas mal de projets, notamment Angles ou encore Exploding Customer. On passe à musique depuis quelques années déjà. Il est en compagnie d'une section rythmique constituée de John Runstrom et Tolef Ostvang pour l'album Melted Snow, sorti sur étiquette lituanienne No Business Records en vinyle. Excellent label qui produit principalement du jazz free international. Et les deux, la section rythmique, sont des gens qu'on a rencontrés notamment sur des disques sur étiquette portugaise Clean Feed, notamment les projets Friends and Neighbor ou encore Universal Indians. Voilà, on va se quitter dans quelques minutes, le temps de vous rappeler que l'émission est entièrement podcastable, réécoutable et avec les playlists sur le site asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/redman. Également une petite annonce concert avant de se quitter avec la soirée des camarades de Cafioul de ce jeudi 22 octobre à Les Labos, 17 avenue Chardonnay. Si vous aimez la noise, allez faire un saut pour cette excellente soirée. Vous pourrez voir notamment Gerda, qui sont des Italiens. Il y a le retour des Pordes aussi, qui ont pas mal d'années au compteur, de la noise de Lozère, également de la noise picarde avec les Noibis, et également les Wires, originaires de Pirée sur Sèche et de Rennes. Voilà, tout ça donc jeudi 22 octobre pour 6€, la soirée Cafioul. Plus d'informations sur le site cafioul.org. Et on se quitte avec un second extrait de Timo Phtalein, le projet franco-australien d'impro électronique, et l'album Mad Among the Mad, qui est un disque publié d'ailleurs par une nouvelle étiquette allemande sous le nom de Immediata, qui se consacre apparemment à documenter la musique de monsieur Anthony Pateras. Ils ont sorti également deux albums coup sur coup, et notamment aussi un disque en duo sous le nom de Entertainment Control en compagnie d'un violoniste inconnu au bataillon, Erki Veltheim. On vous passera peut-être ça dans une future émission. On se quitte avec ce titre de Mad Among the Mad par Timo Phtalein, le morceau You Cannot Escape the 20th Century. Bonne nuit, bonne semaine, à bientôt.